que oui, on est déjà dans nos derniers instants d'assemblage requis ce matin. Première où j'anime toute seule, mais au bout du téléphone avec moi, j'ai Mathieu Plante. Ah, hey, Tania, ça va? Bon matin, Mathieu. Bonjour à toi. Hey, je t'écoute depuis le début, là, je ne vais pas faire mon David Ferron, hein, mon licheux, là, mais c'est bonne en ceci. Merci, merci. C'est très bien, ça. Est-ce que tu en as profité pour faire comme la grosse matinée ce matin? Pas vraiment, non, en fait, j'ai même pas dormi genre après 3-4 heures parce que j'ai mis mon alarme pour t'écouter. Oh mon Dieu, c'est dommage gentil, merci. Ouais, c'est ça, mon boss m'écoutait. Hein? J'ai dit mon boss m'écoutait. Hé, hey, on a des égos. Ah, ok, égos. C'est bon. Peut-être que t'as plus d'égos que moi, mais quand même. Ah, ça, je pense que oui. non, c'est ça, j'ai trouvé que je faisais du très bon travail, mais quand même, j'ai insisté un petit peu pour participer à l'émission d'aujourd'hui parce que j'ai toujours voulu faire de la radio étendue dans le lit avec mon chat qui me lisse le bras. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. C'est vraiment ça, je trouve, la radio. On devrait tout le temps faire de la radio en direct de chez nous. C'est vrai, hein? On devrait penser à un concept comme ça, Mathieu, puis qu'un de nous deux soit en studio, puis que l'autre soit chez lui, puis on alterne. Tout le temps, c'est ça. Il y a le vendredi matin qui a rien, assez fou, on peut essayer le concept. On devrait essayer ça. Mathieu, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas au courant, là, malgré le fait que ça fait 142 fois, je l'ai dit dans l'émission, dis-nous donc, t'as décidé de faire du patinage artistique? Ouais, ben, tu sais, c'est mon premier sport, là, okay, de ma vie. Je me suis dit, je vais essayer ça. Non, c'était, je crois que là, ça fait une semaine et demie. C'était mercredi, pas la semaine passée, l'autre avant. Ouais. Où il y avait beaucoup, beaucoup de glace dehors. Oui, quand même. Et qui pleuvait en plus. Donc, je pense que j'ai pas raconté. Peut-être que je l'ai raconté, mais je suis pas sûr. Mais j'étais en train de marcher avec mes bras en funambule, genre, pour essayer de me rendre jusqu'à mon arrêt d'autobus. Les trottoirs étaient tellement glacés que je marchais dans la rue. Et puis là, à un moment donné, je me suis dit, écrit, mais moi, je vais mettre ma capuche. C'est en mettant ma capuche que j'ai perdu ma concentration. Oui, je me rappelle que tu m'as dit que j'étais pas capable de faire deux choses en même temps. Oui, exactement. Ouais. Mais c'est pour dire que je suis allé à l'hôpital pour me faire faire un plâtre dimanche passé, pas hier, mais l'autre avant. Et puis, en me rendant, à un moment donné, en sortant dehors, je me suis repété à la tête contre les escaliers. Fait que non, je suis assez maladroit. C'est parti. Pas que je fasse deux choses en même temps, je pense. Mais là, est-ce que ça veut dire que tu as une commotion cérébrale en plus? Non. Okay. Merci. Non, une chose à la fois. Non, j'ai déjà assez de misère avec mon bras. Je suis tellement maladroit. Évidemment, c'est mon bras droit qui est blessé, puis je suis droitier. Hein. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui se passe, là? Est-ce que tu as de la difficulté? Est-ce que tu as de l'aide à la maison? de l'aide, pas tant que ça. Non, je dois faire pas mal tout moi-même. Mais ce qui est le plus difficile, c'est vraiment se laver. Ah oui, c'est vrai, hein? J'ai jamais vécu ça de ma vie. J'imagine que bien les gens à la maison sont au courant de ce que c'est, là. Mais il y a aussi ce gratter que je trouvais difficile. On me dit, j'ai lu une feuille d'instruction du médecin me disant de ne pas mettre d'objet dans mon plâtre, mais j'ai trouvé un bout de Swiffer. OK. Tu sais, les Swiffer Duster, là? Oui, oui, oui. Une espèce de bâton jaune mou, là. Ça fonctionne très bien. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de problème avec l'irritation. Fait que, petit conseil aux gens. Est-ce que c'est ton bras que tu utilises à toutes les fois que tu fais quelque chose? Ouais, je suis droitier. En plus, ouais. OK. Ouais, ça a mal tombé, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Au moins, j'ai pas à écrire grand-chose. Au moins, hey, je me suis fait livrer des pilules à date. Ah! Je me suis commandé, je vais pouvoir me faire livrer l'épicerie. Okay. J'ai pas besoin de sortir de chez nous, c'est ben, c'est ça l'affaire, là, c'est que on le rappelle, Mathieu n'a pas de voiture, donc automatiquement, si tu sors de chez toi, si tu te rends quelque part, tu prends le risque à un certain point de pouvoir tomber. Absolument. Et de toute façon, je pense pas que je pourrais conduire avec juste mon bras gauche. Étant donné que je suis droitier. Fait que ouais. Non, je pense pas venir chez nous. Puis en plus, c'est ça, j'ai pas le droit de travailler du tout, pas le droit de sortir de chez nous, pas le droit de rien faire. Fait que je prends ce coup. Et j'aurais jamais pensé que le temps allait être aussi long. Ah oui, c'est vrai, hein? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ben c'est ça. Justement, qu'est-ce que je fais de mes journées? Ça m'amène un peu à l'idée de la chronique que j'avais au départ, c'est de te trouver un petit mot cute. Tu sais comment j'aime inventer des mots et j'aime faire des jeux de mots. Donc, je te propose, dans ce que je fais de ma journée, pour commencer, j'ai trouvé le mot tranquilloser. Tranquilloser, OK, oui. Dans ankyloser, comme dans prendre du poids. Oui. Et tranquiller, comme dans tranquille, prends ça tranquille. C'est okay. Ce que je fais. Donc, ça, c'est mon premier mot. Et sinon, j'avais le mot aussi Netflix and Pill, comme dans tu peux te claquer 4 épisodes de sitcom avant d'avoir à prendre d'autres pilules. Pour la douleur. Ben oui, clairement. C'est pas mal ce que je fais. sur les antidouleurs et les anti-inflammatoires en même temps, parce que Colin, veut pas, apparemment qu'un bras, ça prend de l'ampleur quand il bouge pas trop. Oui, c'est sûr. C'est qu'il faut bouger beaucoup. Et puis, ça fait que je pense que mon plâtre est de plus en plus serré plus le temps avance. Fait que là, pour nos auditeurs qui sont habitués à t'entendre à chaque matin, qu'est-ce qui va se passer? On va te perdre pendant combien de temps, Mathieu? Ouais, t'as peur un peu de l'arrêt de travail. En fait, j'ai pas de date de retour en tant que tel parce que, bon, c'est un arrêt de travail, puis il faut retourner voir le médecin, il faut se faire enlever le plâtre, il faut faire de la physiothérapie. Oui, de la physiothérapie, alors que dans le fond, je pense pas oublier comment mon bras fonctionne, non, mais c'est ça. J'ai de la misère à tenir quelque chose de super léger dans ma main. Je pense que le bras se fatigue assez rapidement. Mais normalement, je serais supposé pouvoir être bon pour le début du mois d'avril. Donc, t'as au moins 2 semaines complètes à faire et peut-être un jour de plus parce qu'en tant que tel, mon rendez-vous chez le médecin est le 3 avril. Et puis donc, je pourrais pas faire l'émission du matin non plus le lundi 3 avril. Mais après ça, on va voir le 3 avril, normalement, si on enlève le plâtre, on commence un physio. Je sais pas si le médecin va tout de suite me signer mon retour au travail ou s'il va vouloir attendre plusieurs rendez-vous de physio, mais on est parti pour au moins ça. Ah, au moins, bien, Mathieu, je pense qu'on va essayer de toucher du bois pour que tu nous reviennes, oui. Évidemment, en un morceau. Tantôt, je pense que tu t'es trompé en début d'émission, tu as dit qu'on allait se croiser les bras. Oh, mon croiser Dieu. Les doigts. Ça aurait été très drôle. Croiser les bras. Oui, ben oui, tu peux faire ça. Puis on va te souhaiter le meilleur des rétablissements quand même. Merci beaucoup. Et puis, quand même, profite de ce temps seul à l'émission pour faire toutes les choses que tu aurais envie de faire à la radio, que tu n'avais pris le temps de faire. Ouais, quand j'ai des trucs sur ta bucket list, le truc à faire à la radio. Exactement. Avant ta mort. Je pense que je vais faire ça. Merci, Mathieu. Bonne semaine. Merci à toi. Bye-bye. Merci. Okay. Alfalfa, est-ce que tu restes avec nous pendant qu'on va aller discuter et terminer l'émission avec Mathieu Plante? Oui, je peux rester un peu. OK. Donc, au téléphone, au bout du téléphone... Mais qui est-ce qui est au bout du téléphone? Présentement, il y a Mathieu Plante. Allô? Je suis pas certaine si tout ça avait fonctionné. Oui, ça fonctionne très bien, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, absolument. Tout le groupe est encore là. Sébastien est encore là. Oui, wow. Exactement. Tout le monde est encore là. On Xavier encore... est là. Xavier est là. Alfalfa est là. Ouais, salut, Daniel. Bonjour. Oui, contrairement à lundi, quand on s'est parlé la dernière fois, j'étais dans ma chambre à coucher lundi. Là, je suis dans la cuisine. Tu vois, j'essaie de bouger même si je suis à la maison. Tu vois? OK, c'est ça. Mais là, moi, je voulais savoir, c'est quoi que tu as pogné comme maladie? Ah, j'ai rien pogné, non. J'ai tombé sur de la glace. Tu connais ça, la glace, Alfalfa? Ah, mais vous êtes pas habile là-dessus, vous, les pas, humains? Pas tellement, non. Ah, okay. J'imagine que vous avez, que l'évolution fonctionne très bien. J'imagine que vous avez des crampons après les pieds intégrés au pôle nord. Ah, on est poilu des pieds, ça arrange des pieds. Vous êtes poilu des pieds? Ah, moi, j'ai du poil sur mes gros orteils. Ah ouais? Ah, wow. Okay. Es-tu pareil avec les hobbits, mettons? Ah, c'est ça. Ben, c'est sûr que oui. Pieds deux, peut-être. Ah, c'est quoi, je rêve encore tellement que wow, c'est une imagination fertile avec ça. Bref, donc c'est ça. Depuis lundi, quand on s'est parlé la dernière fois, je suis retourné à l'hôpital en fait hier. Tu te rappelles quand j'ai attendu ma chronique puis que finalement tu l'as oublié là. Non, j'ai pas oublié ta chronique. On a manqué de temps, Mathieu. Mais c'est pas grave, j'ai profité de ça pour aller à l'hôpital pour me faire changer mon plâtre parce qu'il était rendu lousse après il y a qu'une semaine. Fait que là, maintenant qu'il y a un nouveau plâtre, parce que c'est pour les 2 prochaines semaines. Oh. On sait que je ne reviendrai pas avant un minimum, là, d'après moi, pas mal le 4 avril ou peut-être après. Ça donne 2 semaines. Ça donne 2 semaines à moi puis M. Guertin à remplacer Tania à temps partiel. C'est exactement ça. En tout cas, j'espère que vous êtes vraiment gentil de le faire. Tout le monde fait très, très bien ça. Même que j'ai été vraiment impressionné de la quantité de matériel que vous aviez préparé pour aujourd'hui. C'est difficile de prévoir combien de stock faire pour 2 heures. Hein. Ben ouais, c'est ouais. Ça. Surtout quand tu n'as pas quelqu'un pour faire des jeux de mots tout le long. Mais non, mais c'est, on parlait de ça tantôt, moi et M. Guertin, que si on s'assisait juste moi et lui autour d'une table, on ferait 2 heures de contenu sans publicité et que toi, tu réussissais à faire les trous comme pour amener une publicité. Exactement. Justement, ça m'amène à faire des jeux de mots parce que c'est un peu l'idée de ma chronique là, que j'ai appelé un peu comme ça parce que je ne sais pas trop comment l'appeler, les mots du jour, comme dans les douleurs. Ah, c'est le fun, wow. Ça. Tu l'appelles comment, mettons? MOUX, hein, c'était écœur, hein, c'est jamais vu. Imagine mot plante. Donc, lundi, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais parlé de mes 2 jeux de mots du jour, c'était tranquilloser. Oui. Hein? Et Netflix and Pills. Oui, Netflix and Pills, je me souviens. Oui. Donc là, aujourd'hui, j'en ai 2 autres. Je commence par reparaisser, comme dans repas, et paresser. OK. Hein,

Oui, c'est une chose que j'aime vraiment pas dans la vie, qui me fait vraiment frustrer et péter les affaires, je pense, c'est les meubles à monter avec des petits dessins. Mais est-ce qu'ils te fournissent la personne? Comment? Ils te fournissent-tu le chinois ou le suédois pour le monter? Mais non, c'est toi qu'il faut qu'il monte. Non, mais il n'y a pas de tournevis, mais il y a quelqu'un qui est avec, genre. C'est ça, ça a été popé. Je vais expliquer la technique. Donc, c'est une technique par clic qui s'appelle le wedge dowel, inventée par les ingénieurs de chez IKEA à Alvult, en Suède, qui réduit vraiment le temps sans aucune colle. Tu n'as presque rien à faire. Ça vient désassemblé et tu peux le réassembler sans vraiment avoir besoin de connaissances. Donc, c'est du clic. Donc, tu le rentres dedans puis ça finit par cliquer. Ou tu visses le bâton en tant que tel à la table. Il y a des fentes dedans, un petit peu comme une vis. Le wedge dowel est utilisé présentement dans la ligne Lisabo entre 80 et 180 $ US. Tu sais qu'il a gagné un Red Dot Design Award. Ça prend pour vrai le meuble qui les a pris même pas 3 minutes à cliquer. Donc, allez voir les liens sur assemblagerequis.com dans le note de l'émission d'aujourd'hui. Il y a une petite vidéo de démonstration, mais ça m'intéresse vraiment. Là, il y a plusieurs sortes de meubles qui font juste se cliquer les uns dans les autres. Donc, voilà. Ensuite, ça c'est vraiment cool quand même. Pour ceux qui se cherchent une façon de faire une lumière de nuit, j'achète tout le temps en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des petites lumières, des veilleuses. Mm-hmm. Souvent, j'ai un peu de courant, ça éclaire à genre un demi-mètre de distance, là, vraiment pas fort, c'est vraiment pas le fun. Donc, j'ai trouvé les Switch Lights de la compagnie Snap Power. Donc, c'est une plaque qui va sur ta lumière et qui ajoute une petite fente de lumière en dessous. Donc, tu enlèves ta plaque normale et tu revisses la nouvelle et il y a une lumière qui détecte s'il fait noir. Et puis ça met de la lumière vers le bas sur ton plancher. C'est cool pour les bébés. C'est ça, ouais, c'est ça. Hein? Les personnes qui ont des enfants. Oui, absolument. C'est disponible en blanc et en couleur que personne ne devrait acheter. Amande et ivoire. Attends, c'est le blanc cassé. C'est-tu comme, genre, dans le fond, quand tu vas faire de la peinture, puis ils te donnent blanc cassé, blanc crème, blanc vert? Ouais, ouais. Okay. J'aime pas les blancs qui sont genre cassés jaune un peu. OK. Ben voyons. Ben, voyons donc, une question de goût, ça. Hein? Ben oui, hein. C'est ça. Donc, c'est seulement disponible, compatible avec les Switch avec un seul bouton. Là. Ce n'est pas pour ceux qui ont plusieurs boutons pour l'instant. Donc, on va devoir attendre pour plus tard là-dessus. Voilà. Et aussi, on ne peut pas remplacer les ampoules à l'intérieur. C'est des lumières LED qui sont supposées durer 25 ans. 17 $ US pour une seule prise. Et tu peux acheter plusieurs prises pour avoir plusieurs plaques pour économiser de l'argent. Wow. Ensuite, je prends un condom. Calcule les calories perdues. Ah! Mm-hmm. Attends, là. Wow. Tu vas parler de ça en ondes? Ouais. C'est une compagnie britannique qui rend le condom intelligent. Là, tout ce qui est intelligent de nos jours, on ne les mentionne plus, mais le condom, c'est quand même nouveau. Donc, le préservatif Icon, c'est selon The Sun, un condom vraiment pas comme on les connaît. C'est plutôt un anneau qui se trouve à la base du préservatif. On dit qu'il est extrêmement confortable, résiste à l'eau et léger. Ça vous donne une paix d'esprit de pouvoir choisir le condom que vous souhaitez pour utiliser le Icon. Donc, la technologie enregistre le nombre total de poussées. J'aimerais que tu vois les yeux à Tania en ce moment. En dirait qu'elle veut croiser les lumières d'un char de l'autoroute puis qu'elle fait le chemin. Ben là, ça me trouble, on dirait. Mais c'est-tu un condom usage unique, je? En fait, ça dit que c'est un anneau qui se trouve à la base du préservatif, que ça dit. OK. Mais fait que tu peux le mettre sur différents condoms, c'est ça? C'est ce que j'en comprends. Oui, OK. Mais ouais. Genre... Attends. Tu fais une ourlette, attends. Ben, je sais pas si tu... Non, mais ça doit être déplaisant. Ben, ça doit pas être le... Ouais, ça doit pas être le fun. Ni pour le gars, ni pour la fille. Ouais, ben, ou... Hein, j'aime encore mieux le petit liquide que Tania avait présenté l'autre fois. Écoute, ça détecte les maladies, ça détecte vos positions, ça suit une nanopuce et des capteurs, ça mesure et ça se souvient du nombre de variables durant votre session. Et une fois qu'elle sera complétée, vous allez pouvoir utiliser l'application pour télécharger vos données dans vos gadgets. Tu peux te comparer avec tes chums! Vincent, vous avez perdu 34 calories. 27, ouais, tabarouette, flâche ma force. Les discussions de vestiaire vont s'améliorer. Ouais, exact. Ça coûte 100 $ US. On peut s'enregistrer sur bullishcondoms.uk pour l'avoir l'année prochaine. 100 piastres! Non, mais juste. 100 piastres US! US en plus! Fait que c'est vraiment pas usage. Si c'est à usage unique, écoute-moi, petit génie à qui je parlais tantôt. Va pas acheter ça! Si tu sues, t'as eu chaud, t'as dépensé des calories. Si t'as pas sué et t'as pas eu chaud, ben t'as pas dépensé de calories. Voilà! C'est ça, c'est le calcul humain. en entretien d'embauche, je pourrais te demander, tu sais, combien de calories tu dépenses en moyenne de ta relation sexuelle. Ah. Ça, c'est si tu appliques, genre, dans un... Ouais, c'est ça. Ben ouais. Ensuite, un bracelet qui permet au futur papa de sentir les mouvements du bébé dans le ventre de la maman. Ah, ça, c'est cool. Un bracelet? Ouais. Un bracelet, oui. C'est une société danoise qui s'appelle First Band Wearable qui a mis au point une nouvelle sorte de bracelet high-tech. Et le Fibo qui permet au futur papa ou parent, peu importe, de ressentir en temps réel les mouvements du fœtus. Donc, alors qu'il est encore dans le ventre de la mère, le bracelet, ça ressemble un petit peu à une montre connectée. On dit que c'était présenté lors du concours Polar Bear Pitching. La compagnie n'envisage pas pour le moment de sortir le bracelet avant 2018. On ne sait pas encore le prix non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est pas mal les seuls détails qu'on a pour l'instant. Mais tu veux l'enlever lors de l'accouchement, hein, pour vrai? L'enlever lors de l'accouchement. Ouais, oublie-le pas. Oublie-le pas, parce que ça se peut que tu aies une coupe de choc. c'est plus, genre, il bouge tellement, là, genre, imagine il se met, en tout cas. Non, mon Dieu. T'as genre le bras qui part tout seul. Ensuite, vous avez peut-être vu passer ça sur Facebook, mais ça m'a vraiment intéressé, puis je voulais vous donner le lien pour pouvoir vous le procurer. C'est le ruban adhésif qu'on colle sur les murs pour pouvoir coller des Legos dessus. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Vraiment cool. Donc, l'idée, c'est un papier collant qui colle d'un côté et que de l'autre, c'est un tapis de Lego. Donc, on peut intégrer ces constructions sur les murs. C'est une campagne Indiegogo pour Nimuno Loops. Donc, on se demande vraiment pourquoi personne n'y a pensé avant parce que c'est quand même simple comme idée. Angle et courbe, on peut fixer des Lego partout, même sur un vélo. Ici, on le voit sur un guidon de vélo. C'est compatible avec les Lego, les Mega Blocks, les Créos et tous les autres systèmes de blocs de construction. On sait que c'est Lego qui avait perdu son exclusivité, son brevet pour les morceaux. Voilà. Mm-hmm. Donc, Nimuno Loops, Nimuno, la campagne de financement a déjà atteint son objectif et vous avez droit à deux rouleaux de Nimuno Loops, 2 mètres au total, en bleu ou en rouge pour l'instant. Wow! Ensuite, ça, là, j'ai vraiment des gadgets ridicules. La collègue s'appelle Sex Lesson de Bref, on l'a pour une raison. La casquette avec panneau solaire pour recharger tous vos gadgets. Ah, oh, mon Dieu, t'es-tu sérieux? Il y a comment un fil après? Genre, le gars, tu peux mettre des cheveux en fil parce qu'il y a un iPod, une tablette, un Mac. Ça doit être horrible. Non. Ben, en fait, moi, je vois juste un fil qui sort du gadget là, pour l'instant. J'imagine qu'il va y avoir des modèles avec plusieurs autres gadgets, plusieurs autres fils. Mais ça doit être déplaisant un peu, non? Tellement. Ouais. Le fil, c'est bon d'arrêt. C'est ça. donc, la casquette Sol qui est capable de stocker de l'énergie par l'énergie solaire. Oui, en fait, il y a le devant, la palette du panneau solaire dessus, c'est encore pire. Et puis donc, ça se présente aussi par Southwest récemment et la société précise que les casquettes sont capables de recharger l'appareil à 200 mAh, ce qui est acceptable pour un système basé sur l'énergie solaire. C'est écrit sol-sol comme sol-sol, mettons? Sol-sol comme le soleil. Sol-sol. OK, j'allais voir ça. Ouais. L'article est sur assemblagerequis.com. 56 US, super cher. Le site, c'est solsolhat.com. OK, non, mais c'est vraiment affreux. C'est vraiment, vraiment laid. Non, mais dans le top 3 des calottes que je ne porterais pas, celle-là est dans le top 1. Ben, s'ils rajoutaient les petits socs sur les côtés pour mettre des canettes de bière, ce serait encore pire. Ah, c'est vrai. Non, mais on dirait que la... Non, c'est correct, c'est beau. Ben, une partie de baseball, mettons, là, pour avoir l'air de fitter avec le reste du monde. C'est vrai. Mais tu peux même pas fitter avec personne. On reste dans les gadgets vraiment laid. Je te conseille celui-là, Xavier, lorsque tu veux passer un coup de téléphone en public et que tu as de la misère à te concentrer parce qu'il y a beaucoup de son derrière, c'est un masque qui est fait pour toi. Oui, je l'ai vu. Oui, c'est vraiment cool. Donc, c'est un design un peu qui ressemble à une paire d'écouteurs, mais que tu mettrais sur la bouche, sur le devant. Ça fait un masque qui ressemble un peu à un des super-héros, là. Est-ce que j'ai oublié son nom? Ouais, je sais pas trop lequel. Ben, ouais. Lui qui a un masque, en tout cas. Le genre de Darth Vader, mais juste devant la bouche. Et tu peux aussi modifier ta voix, donc tu peux prendre la voix d'un Minion, d'un, je sais pas, les Chipmunks, Darth Vader, peu importe. Les Chipmunks, donc, c'est toujours un bon concept. Hein? Non, c'est pas un bon concept. Il y a une vidéo de démonstration, si vous voulez aller voir, qui s'appelle le Hush Me. Donc silence, là, comme hush, comme un chuchotement ou un tch, tu vois, genre. Ouais. Donc le Hush Me, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Et tu as des écouteurs qui vont à tes oreilles pour que tu puisses entendre la conversation téléphonique et tes écouteurs, bref, qui sont sur ta bouche. Il y a vraiment comme des pads comme sur les oreilles d'un écouteur et ta voix va comme être tamponnée ou tempérée par ça. Ensuite, est-ce que t'as un coloc ou une coloc, Xavier? Oui, j'ai une coloc. OK, et Tania, tu vis avec tes parents? Oui, mais je... Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et Chuck Chanel. Tu vas avoir une coloc, c'est ça. Ah non, Chuck Chanel ne vit pas chez moi. Non, mais tu n'es pas chez Track Shining. Oui, je m'en vais en appart bientôt, c'est ça que je voulais dire, avec un coloc. Avec Track Shining. Voilà. Ce qui est fun, c'est de te parler en même temps. Donc, une start-up espagnole a mis au point un sonomètre qui s'appelle Room Monitor, qui permet d'alerter les propriétaires d'appartements en cas de nuisance sonore de la part des locataires. OK. Alors que les locations entre particuliers, bon, entre autres avec Airbnb, ont exposé les problèmes de nuisances sonores se font de plus en plus nombreux. Donc, la start-up espagnole Smart Things and Friends a mis au point Room Monitor, un sonomètre qui enregistre le niveau sonore. Il peut communiquer grâce au Wi-Fi et un logiciel. Mais... Donc, on définit 3 niveaux de bruit. En l'espace de 7 minutes, 5 pics de bruit, 6-5 pics de bruit au niveau le plus élevé sont détectés. Le sonomètre va déclencher l'alerte en envoyant un SMS ou en appelant le locataire pour lui dire de se fermer, ou encore l'agence de location ou ton propriétaire pour dire « les locataires font trop de bruit ». OK, fait, mettons il arrive un accident, là. Ouais. Je me pète la gueule, je tombe dans les marches, okay. Je crie « Ah! Ouais. Ah! Ah! Aide-moi! » Le locataire arrive? Ouais. Ben, si tu fais trois niveaux de bruit, et si en l'espace de 7 minutes, tu atteins 5 fois le pic déterminé, il va y avoir une alerte qui va être envoyée au locataire en premier. Fait que dans le fond, ça ne t'aidera pas pour appeler à l'aide. Là. Et si seulement ça arrive plusieurs fois, à la fin, Fait que faut que je crie pendant une demi-heure pour me faire aider, mettons. Fait que faut pas que tu partes ça si tu couches avec ta coloc ou ton coloc, mettons. Ça dépend du niveau de cri de ces gens-là, oui. Moi, je couche pas avec ma coloc, mais tu peux y mettre une petite débarbouillette. Ah. Dans la bouche. Ben, sinon, puis mettre l'anneau, calculer tes calories. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, tu t'installes en ligne avec la fenêtre, fait que tu mets ta casquette panneau solaire. Fait que tu recharges ton cellulaire, tu calcules tes calories, puis en plus, tu fais venir ton locataire, ton propriétaire. Ça se peut-tu, tout en même temps. Justement, dans le même genre de domaine, si tu déranges trop les gens, tu pourrais t'installer une lumière à ton bureau qui va dire à tes collègues de travail de te laisser tranquille. Ah, j'adore ça. S'il y a trop de relations sexuelles au bureau, mettons, tu veux leur dire, hey, un petit peu moins de bruit. Donc, ça s'appelle Luxafor, L-U-X-A-F-O-R. C'est une lumière qui se branche sur votre PC ou qui se connecte par Bluetooth. Et tu mets ça, tu colles ça sur ton bureau pour communiquer aux autres collègues autour que tu es soit disponible pour être dérangé ou encore pas disponible. Moi, je suis le genre de gars à y aller pareil. Ouais, ben. juste parce que tu t'es installé une lumière. J'y vais pareil. Dans ta place, un peu. Donc, éventuellement, ça va être vendu pour 17$ américains. On peut la faire clignoter de plusieurs couleurs. C'est aussi un timer. Donc, ce serait parfait pour moi pour me dire qu'il reste 1 ou 2 minutes à ma chronique max. Et ça vient en 3 grandeurs différentes. Et donc, évidemment, ça ne va pas nécessairement empêcher vos collègues de venir vous voir. Excellent! Et on termine avec un dernier qui pourrait amuser pas mal de monde, dont Alfalfa, qui n'est pas présent aujourd'hui. S'il avait été présent, j'aurais pas eu de chronique. Donc, l'écran magique qui revient, qui est dépourvu, par contre... J'ai pas compris, on n'a pas compris. Hein? Ouais, on n'a pas compris. Ça a coupé. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça a coupé. Oui. Ah, excuse-moi. Non, j'ai dit, si Alfalfa avait été là, j'aurais pas pu lui en parler, parce qu'on aurait défoncé l'émission. Ah, OK. On se comprend. Mais c'est pas grave. Ben, t'es à veille, là, si tu continues. Hey, non, je suis, c'est mon dernier. OK. Je suis à 13 minutes. Donc, l'écran magique qui revient, mais avec un écran LCD cette fois-ci. Donc, retour en enfance, nostalgie du Etch-a-Sketch. Spin Master, qui a acquis les droits d'exploitation de l'appareil en 2016, se sont alliés avec Boogie Board pour donner un coup de jeune et de modernité à ce bon vieil écran magique. Du Etch-a-Sketch. Tu sais, là, les boutons qu'on tournait en bas sur une plaque rouge. Là. Oui, oui, oui. Toy Story. Toy Story. Sauf que maintenant, ça va être avec un stylet et les boutons vont pouvoir permettre d'ajouter des stickers pour rendre le dessin encore plus joli. Ils ont scrappé l'idée. L'idée d'avoir de la suite à faire des angles droits. Ils ont gardé une chose cool quand même, c'est la fonctionnalité de brasser l'appareil pour effacer l'œuvre. Ah, OK, ça c'est le fun. Au moins. Mais c'est pas déjà le concept un peu de tout ça. Excuse-moi? C'est pas un peu le concept de toutes ces entreprises-là? Ben ouais, ça ressemble un petit peu à une tablette finalement. Donnez-leur une tablette avec une application de dessin, ça va sûrement faire la job aussi. Mais donc, le Etch-a-Sketch Freestyle va être à cet automne pour 20$ US. 20? Et voilà, c'est terminé. Il est sur rassemblagerequis.com. Merci beaucoup, Mathieu. Désolé de parler par-dessus vous, je vous entends pas tout le temps. Ben nous non plus, on t'entend pas tout le temps, fait que c'est quoi? Tout à l'heure, on vous expliquait qu'on allait avoir le segment Une grosse pointe à l'dresse. Malheureusement, je me rends compte que j'ai pas le thème musical d'une grosse pointe à l'dresse avec moi. Mais bon, une grosse pointe à l'dresse! Une grosse pointe à l'dresse! C'est David qui va faire le back sonore, mais au téléphone, avec moi, j'ai Mathieu Plante. Oh yes! Alors, qu'est-ce que c'est ça? T'as pas le thème? Non, j'ai pas le thème! Tu m'as pas envoyé le thème musical pour ça. Je